Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit le Watibé. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Watibé, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti déjà pour la dernière soirée avec l'équipe du Watibé. Attention, ce soir je vois du V de partout. Nous sommes cernés par les V. La vendetta est dans la place. Comment ça va, Doumam, Girochrome, comment allez-vous, messieurs? Ça va très très bien. Et ce soir il y a un morceau qui arrive. Attendu, ce morceau. Un gros morceau. Il arrive enfin. Enfin. Le morceau tant attendu. Qui s'appelle Tarlez ouf. Voilà, et puis il sera aussi dispo à partir de 21h. Je vous dis ça sur Vevo notamment. Exactement. Donc, on en reparlera d'ici quelques minutes. Il y aura du live avec vous. On va saluer aussi Aboutal qui est là. Yeah. Qui a réussi à se débarrasser de Dadju, c'est bien. Ouais, non, ça y est, je vais semer là. Je sais pas comment il a fait. Il est à quelques kilomètres derrière, là, c'est bon, je vais semer là. Bon, toi aussi, tu es en V. Toi aussi, ouais. Tu as été touché par le V. Ouais, j'étais. On m'a. Je sais pas, il y a beaucoup de mecs en V. Tu vois, je suis rentré dans le studio, j'ai eu un peu peur, tu vois. Et j'ai vu qu'ils me dévisageaient un peu, tu vois. Donc j'ai mis ouais, de vie. Moi aussi, pareil. J'ai mis de vie. Parce que je me suis dit, il y a un truc qui est bizarre ici. Limite sectaire. Donc, tranquille, tu vois. Maintenant, ça va un peu mieux, là. Ça va, là. Ouais, bah, bienvenue à Boutal. Dry qui est là aussi. Pareil. Dry. Va t'installer là-bas. Installe-toi, tranquille. Le D est là aussi avec nous. L'intransférable. Bien sûr. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, toi aussi, je suppose que tu as écouté ce morceau de la Vendetta. Ouais, moi j'ai écouté pas mal de trucs. Moi. Il a pratiquement tout écouté. Je suis un des rares privilégiés. Bon, après, je vais pas souvent, mais je vais quand même assez souvent au studio les voir. Donc, je regarde un peu comment ils travaillent, je vois ce qui se passe, on donne un peu notre avis. Et ben on en reparlera. Du très très très lourd qui arrive. On en reparlera, on va diffuser rapidement le morceau là. D'ici 5-6 minutes, on va pouvoir vous le balancer. Juste avant, on débute avec le replay de la semaine. Ce qui s'est passé avec le Watibé cette semaine, ça donne ça. C'était toute cette semaine avec le Watibé sur Skyrock. Ma jolie, enlève un peu tout ton maquillage. Enlève un peu tout ton maquillage, montre-nous ton vrai visage, ma kélé. Suis donc tu n'es pas fier, ma kélé. Tu sors dans d'autres tes frères, ma kélé. Excelle dans savoir-faire, ma kélé. Oh, oh, oh. Planet Rap. Stone. Vas-y, déchire-le. Pote des stress, hein. Je suis un homme de paix. T'es mort. Je vis d'abord d'eau fraîche, mais surtout de chèques et d'espèces. MC, dis-moi, c'est du qui tu testes. Ah, oui. Watibé, nous sommes les best. Et ça, personne ne conteste. Non. Même si s'il te plaît, ne sois pas bête. Non. Calomnie sur calomnie, j'en fais des cartes, c'est pour carré, t'es calilico, t'as l'attaque, je t'en brûle tes calories, c'est ta toxique, t'as catoqué, en tout cas, y'aura pas de fichu, t'as critiqué, t'es canicane, c'est pas comme des critiques, ça fait sur Google, jusqu'à être dans les bacs, que de la frappe pour les boîtes, comme les gars, Nam style, tu peux les barres, taper des barres, ça ne m'atteint pas, mais ce bâtard n'arrête pas, et dès le matin, pas, que je me donne en balle, que je me fais du mal, que je calme, j'ai hâte, m'économise. Désolé, pétage, je n'ai pas ton time, par toi, je n'ai pas besoin d'amis. Planet Rap. Je sais que tu me regardes, la haine, que tu me portes, mon courage, mon entourage et moi verrons le soleil. Après le temps de l'orage, si tu te rends compte, la vie est faite de relations malsaines, c'est qu'il faut crise et crée l'amitié, la vérité crée la haine. Quelle qu'en soit la cause, ils te pointeront du doigt. Hein? Quelle qu'en soit l'intention, ils verront du mal. Planet Rap. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Dis-leur, Linda. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. On se fait du quoi? On se fait du mal. Planet Rap. Crois qu'il est frais, mais en vrai, nous on sait ce que t'es. Monica Lewinsky, t'as jamais pu blairer mes frères. À part le son, tu sais ce qu'on fait. Chut, c'est père, c'est une histoire de couilles. Ma semence vaut plus que toi, plus que ta personne. Enfoiré, les balances ont baisé ma team. Mais jamais on ne plaide coupable. Planet Rap. Puissance de frappe comme l'Iran. Évident qu'il faut aller consigner ceux qui veulent finir son tapis, étoile montante, qu'on prenne des papis. J'suis discret, j'aime pas quand ça brille. Vos rappeurs réveillent mes papis. T'as des prods, on voit. On a choisi nos voix en amitié. J'suis comme l'hymen, faut pas me la mettre. On me perd qu'une fois. Planet Rap. Tous les butés, transformation. L'envie à la pétronation. Ok, là où j'suis né, y'avait pas de terre contrôlée. Chez moi, la violence est innée. J'viens couper les têtes couronnées. Exilé Napoléon, éclipsé le roi soleil. Donner de l'argent à ta maîtresse pour qu'elle t'étouffe dans ton sommeil. Joue les thugs avec des jeans serrés comme des leggings. La concurrence me pompe, ils prennent mon zizi pour une tétine. Neskin. Les MC jouent les bandits, je vais les appeler Jacques Neskin. Planet Rap.

Shinsekai, avant indéfini. Ré. Makele. Le morceau qui s'appelle Ma Jolie, à l'instant Shinsekai, et l'album indéfini qui arrivera, on l'a dit, cette semaine, avant la fin de l'année 2015. Exactement, avant la fin de l'année 2015. C'est un album pour lequel on a vraiment, vraiment, vraiment travaillé. Et c'est juste un petit extrait. Je vois que les gens kiffent de ouf, tu vois. Donc ça annonce plein de belles choses pour le projet. Donc je suis vraiment content, et voilà. Ils kiffent même tard les ouf, j'ai envie de dire. Ils kifferont tard les ouf. Ils kifferont tard les ouf. Et ça, j'en suis persuadé, ouais. Avant la fin de l'année 2015, et ce soir, donc au micro, vous l'avez entendu, il y a Boutal de Shinsekai, il y a Drai. Yes. Et le projet Vendetta avec Girochrone, avec Doomams. Voilà. On peut, alors, on va revenir un petit peu sur l'origine du projet. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en entend parler. Ouais. Il n'y a pas eu. Si, il y avait eu un petit. Il y avait eu un extrait qui avait été balancé de Vendetta. Non, même pas. C'était des freestyles. C'était des freestyles, ouais. C'était freestyle. Des vidéos comme ça. Il n'y a aucun son de l'album qui était sorti. Et en fait, c'est un projet qui nous tenait à cœur, J.R. et moi, depuis. Donc, ça part de quoi? Bon, évidemment, il y a l'histoire section d'assaut. Ouais, il y a l'histoire section d'assaut, et on avait prévu de faire l'apogée, et ensuite partir en solo. Et donc, quand on a décidé de partir en solo, moi et J.R., on s'est regardé. On s'est dit, c'est le moment ou jamais de faire notre album, tu vois. Non pas en solo, mais en duo. Voilà, en duo, parce que c'était un truc qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Donc, on a trouvé l'occasion de le faire, et voilà. Il y aura combien de morceaux en tout sur Vendetta? Ouais, à peu près 18-19 sons. 18-19 sons, ouais. Vous en êtes où là? C'est fini ou... Ouais, c'est quasiment fini, là tu connais, c'est en mode peaufinage. Tous les petits détails, les petits trucs, les mix, mastering, tout ça. Bon, est-ce que vous êtes stressé à quelques minutes, quelques secondes de balancer ce premier extrait? Parce que ça y est, hein, il est plus à vous, vous avez le lancé, maintenant il va appartenir aux gens. Non, on a confiance, on sait qu'il est lourd le morceau, tout ça, mais tu sais, il y a toujours une petite appréhension. Voilà. C'est tout. Et bon, on va le découvrir maintenant, non? Voilà. Calme. Est-ce que t'es prêt à te faire décoiffer, cousin? Il me reste déjà plus grand chose. Voilà, non, répète-moi, je te pose cette question. Est-ce que t'es prêt à te faire décoiffer? Je suis prêt à me faire décoiffer. Carré croisant, brushing, tout. Tout. On y va? Yes. C'est parti. Exclu total, le morceau extrait du projet Vendetta, Girochrone Doomams. Tarlé ouf maintenant. Oh. On a les chromés, tarlé ouf. Sous le siège du canif, premier format, ça va mettre des tarifs. T'auras de tout, même des fonds de cœur. Et on a troqué la pub pour des coups de canif et du pain de plastique sous le siège du canif. Allez-vous. On a les gros métal, les ouf. Va falloir ramasser les douilles. Dites au jugement, pas les couilles. Métal, les ouf. Comment allez-vous? On a les gros métal, les ouf. Va falloir ramasser les douilles. Shérif, péter la diligence, ne t'en fais pas pour toi ma chérie. Si tu fais preuve d'intelligence, fous-moi tout ça dans la sacoche. Dans le silence le plus total, la dernière vision que t'auras sera sûrement fait de la vendetta. J'fais tout ce guéri pour tout Kenny, tant qu'il y aura des bails dans mon pays. Tant que j'verrai des mifs sous ton périphérique, tant que pourrai TH tout sans crédit. Je n'ai pas fini. Reste un sticky, sticky, sticky. Trop longtemps restez tous skinny. Faut que tous ces fils de péris. J'sais pas qui c'est qui va commencer, mais gros appelle les ambulanciers. Dis-leur qu'on va devoir vous laisser des corps avant d'avoir tenancé. Là je crois que je suis lancé. Me vois-tu renoncer? Même avec la jambe atrophiée sur ton rond quand je vais danser, nigga. Vous m'avez pris pour un bâtard et la punition ne va pas tarder. La vendetta sera placardée. De la gare du Nord jusqu'à la Picardie, que des nègres. Je suis tout seul que je dégage. Je crois qu'il est temps de toucher là. Faut que la vendetta fasse plus de ventes que la chute des chiens. Comment allez-vous? On a les gros métal et ouf. Métal et ouf. Va falloir ramasser les douilles. Dites au juge, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Métal et ouf. Gangs, on a les gros métal et ouf. Va falloir ramasser les douilles. Dites au juge, m'en bats les couilles. Mais t'allez où? T'as les blocs, ça monte de tous les blouis. Par tout ce qui est sale et ham. Quitter l'asphalte avec un Boeing. C'est le kiff avec ses SRAM. Je cherchais le type chez la nourrice. Avec un quart de glace tous les jours où je pense à faire du yébé. Pour ça, faut faire du sale. J'écris des phases de barge chaque soir. À l'heure où ton équipe ne fait gronfler, il faudrait le voir pour y croire. Viens pas me voir terme, j'ai les yeux gonflés. 7-5. Quête, y'a des grands hommes, mais pas fantôme. Sur le pare-choc, lame dans les codes box. Fight à la Capcom, goûte à la mâche, t'en crée. J'ai fait du sale dans la rue des garbages. Juste à deux doigts d'aller faire des cash-bras. Les airs, je vais les mettre à vendetta. Zaki, le gangsta violent, sale, black et le destin, bonhomme. Certes, rap avec quelqu'un, levé des corps et des corps après le festin. Femme dans la ville, on met les gants. Sur scène, on te saigne, fais les délinquants vulgaires au tête. Usez ma canne pour qu'ils comprennent qu'on n'a pas les mêmes choses à faire en spread. Yes, we can. Venez dans les balcons, testez le fer. Venez dans les balcons, prends du terre. Dans nos rues, ça se game, c'est des smash and jam. Qu'on kiffe, t'as un bénéfice de, c'est la fine équipe Vélec. Sauf qui peut quand t'as pas d'équipe poire. Pour un temps massif, blague, mais sans faire la tif, croire. Sans le négatif, terre, c'est un temps massif. Premier moment, ça va mettre des tarifs. T'auras de tout, même des fleurs de canif. Vendetta. Pour des coups de canif, mis du pain de plastique sous le siège du canif. Premier moment, ça va mettre des tarifs. T'auras de tout, même des fleurs de canif. On a troqué la pub pour des coups de canif, mis du pain de plastique sous le siège. Comment allez-vous? On a les gros métallés ouf. Va falloir ramasser les touts. Dites au juge, m'en bats les couilles. Métallés ouf. Comment t'allez fou? On a les gros métallés ouf. Va falloir ramasser les touts. Dites au juge, m'en bats les couilles. M'en bats les couilles. Métallés ouf. Métallés ouf. Première extrait de la Vendetta, Gyrochrome. Douma, Insomniac, ça arrive. Chaud, chaud, chaud. Yeah. Hey. Je pense que l'on peut applaudir fort ce morceau. Avec le hashtag Watibé sur Skyrock, ça n'arrête pas de défiler comme vous le voyez. Ça défile, ça défile. Tu peux en lire quelques-uns hein, si tu veux. Oh, tu veux que je les lise? Voilà, le morceau défonce. Quand est-ce qu'on peut le retrouver? Le morceau à partir de 21h, je dis ça sur Vevo. Hein. Vous pourrez l'avoir tout à l'heure, le morceau à 21h. Vous le ferez même d'ailleurs en live aussi avant la fin de l'émission. Exactement. Donc gros titre, premier extrait, ça y est, c'est le premier extrait officiel. Premier extrait, ça y est, on est parti. T'es tout décoiffé là. Ah moi, il me reste qu'une mèche. Il me reste qu'une mèche. Donc gros morceau, le son qui a été signé par qui celui-ci, JR D'ailleurs, il est là. Bien BBP gros. On voudrait le présenter. Ouais. Bien dire bonjour au terrain. Et j'en profite, tiens, juste avant aussi pour dire qu'ils sont en vente les t-shirts V, on peut les trouver, les Vendetta. Bientôt là, ils vont être en vente. Il y en a déjà là à Châtelet. Il y en a déjà à Châtelet. Rue de la Ferronnerie. Rue de la Ferronnerie au 29. Voilà. La Wattie Boutique, tiens, Lyon, c'est Lyon. Rue de la Poulaillerie. Exactement, voilà. Et à Marseille. Et Marseille 31 rue de la République. Alors attention, petite présentation, allez-y les gars. Ça c'est notre gars sûr, BBP. BBP, voilà. Ça va bien? Ouais, ça va, merci. En pleine forme? Tranquille, on écoute, gros morceau en tout cas, hein. T'as pu voir, regarde les réactions. Ouais, le son déchire, ça défonce, on attendait Gyrochrome, Doomam, on n'est pas déçu. Voilà, continue à balancer avec le hashtag WhatIB sur Skyrock. Au calme. Gros, gros morceau. Donc, il a bossé aussi beaucoup. T'as bossé beaucoup aussi sur le projet. Il a déjà bossé aussi beaucoup avec Shinsekai. Déjà, il était venu à notre Planète Rap, il me semble, le précédent pour Shinsekai Volume 2. Il avait bossé sur deux titres à nous. C'était Soum Soum et un de nos singles, c'était Rien à foutre. Ouais. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un des compositeurs du WA. Je crois que c'est le seul. C'est le compositeur attitré. Et donc voilà, là, il a l'occasion de bosser avec la Vendetta. Je crois qu'ils ont bossé aussi sur plusieurs titres. Ouais. Franchement, très, très gros morceau avec lui. C'est un très gros bosseur. C'est un mec, il est grave réactif. Ça veut dire, tu lui dis, hey, gros, j'ai une idée, j'ai ça à faire. 2h, 4h du matin, il te fait direct. Tôt, le bébé, c'est tu m'as l'air épuisé, mon pauvre. Tu m'as l'air crevé, mon pauvre. On l'a fatigué. Ouais. Tu attends les vacances avec impatience. J'attends les vacances. Bon, bah bravo en tout cas pour le son. Merci. Les prochaines prods qu'on pourra entendre, c'est quoi? Sur Vendetta, c'est ça? Vendetta, sur... Dr. Belize, Shinsekai aussi, on a bossé sur le prochain. Le projet de VLD qui va sortir. Dinos Punchlinovic, c'est le mec qu'il faut avoir sur ses prods, c'est le mec qu'il faut avoir sur son album, sur ses projets. Si tu veux que ton projet il pète gros, tu veux des gros sons comme Tarlé ou Photo, il faut appeler BBP Photo. Eh ben merci BBP d'être passé. Merci à toi. Petite sieste, vas-y, n'hésite pas, on va revenir dans un instant. Big up à mon gars sur BBP. Ne bougez pas sur Skyrock, le retour de Pénétrap. Tiens, on vous l'avait promis, puis on vous l'a passé aussi hier soir dans l'émission entre 20 et 21. Gims qui a balancé des nouveaux sons, pilule bleue, pilule rouge, c'est ce qu'on écoute maintenant sur Skyrock. Extrait du projet de Gims qui sortira le 28 août prochain. Maître Gims, pilule rouge. Wouh. Melinda Gate, Melinda Gate, I know. Melinda Gate, Melinda Gate, Melinda Gate, I know. Signe au dos du chèque, Melinda Gate, ça. Melinda Gate, Melinda Gate, quoi? Melinda Gate, Melinda Gate, signe au dos du chèque, Melinda Gate. Chanteur, rappeur, en fin de compte, y'a pas de diff. J'bombarde le moteur, compte jusqu'à place dite. Les petits veulent les mêmes choses, l'oseille palpé 45, ça bouge up, comme à l'époque de 22h45. J'suis de retour, tu voulais voir le king lutter comme Martin. J'suis le front kick dans la porte qui fait bondir ton père dès le matin.

L'histoire se répète, on ouvre des portes, mais tu sais la merde, on la connaît, la Hesse nous a cogné, donne le pognon. Que les moteurs des caisses se mettent à grogner. C'est notre vengeance, on vivait sans Jean A. Pendant que les gens s'en foutaient de nos chansons, c'est le succès, on vivait sans ça. Maintenant les gens nous usaient, sont devenus sociables. Brave, viens, je t'ai baisé, mais s'il te plaît, ne tombe pas enceinte. Combien de fois faudra-t-il que je te dise qu'on n'est pas ensemble? Négro, je vais faire du sale, donc prévois les pansements. Tu pensais que j'étais game over, bah tu sais quoi, pense-moi. Je suis pas comme toi, je me suis pas inventé de perso. J'ai cette envie de tout niquer depuis le berceau. Ma colère, je la coffre, je l'emmagasine. Et quand je craque, je disparais, je change ma carte team. Comment dire à tous ceux qui s'improvisent amis que je les déteste comme les femmes détestent la polygamie. J'aime pas non plus les teutrés, les faux frères. Mentir, yeux dans les yeux, putain, faut le faire. Ah, faux frère. Mentir, yeux dans les yeux, putain, faut le faire. Je te connais pas gros, je prends mes distances. Les hypocrites m'ont suffisamment pourri l'existence. Laissez-moi, j'ai pas la tête à réfléchir. Le projet c'est tout rafler sans jamais fléchir. De l'autre côté c'est trop maigre, ils ont qu'à pousser. Ils ont qu'à bosser, je vais les éclabousser. Je suis pas encore dead, vous pouvez pas encore me tège. D'ailleurs j'espère que seuls les frères suivront mon cortège. Tu peux que dire waouh Fall, t'as pris du niveau. Merci mais ton sang va couler dans les caniveaux. Vous pouvez la peur, bande d'acteurs, vous n'êtes pas réglo. Vous ne faites pas le poids, ce chapitre me paraît clos. Rien à foutre de savoir ce que les un rival. Ici c'est Paris, c'est tribal, limite cannibale. Arrêtez de me parler, j'suis pas d'humeur à les barrer. Vous puissiez pas la peine de me comparer, j'n'ai aucun rival. Pas besoin d'insulter des mères ou de crier bang bang. Pas besoin d'une meuf qui twerk à côté d'une belle bang. Ça et puis bang bang, c'est pour mes berbères. Monte sur le ring mais fais pas le rage si tu dois perdre. Y'a pas de pleine lune ici, y'a que des réverbères. Les longs carousses qu'on seront de l'herpès. L'herpès. Fallou. Tu me connais toi, tu me connais toi, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part, je sais pas, peut-être que c'était Tu me connais pas, tu me connais pas. Le Fa à l'instant et donc ce morceau baptisé intro qu'on peut aussi retrouver sur les chaînes Vevo. Ouais. C'est ce qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Abou, tu voulais rajouter quelque chose, monsieur Tal ou pas, non? Restez branchés. Ah, restez branchés. Je me suis dit peut-être qu'il a une info. Je me suis dit pour la fin de semaine, il a une info, un truc croustillant. Il s'approche du micro avec un grand sourire. Je me dis, ça, il va nous balancer en disant attention, j'ai un nouveau titre, il y a un album qui arrive, un truc, un machin. Restez branchés. Non, restez branchés. Je vous ai pas demandé, vous, JR et Doumams. Le Fa, des nouvelles, des trucs. Le Fa, ouais, des nouvelles. Nouvelles tout le temps. Par texto, tu connais lui. Et alors, on peut savoir nous aussi ce qui se passe ou... Toi, reste branché. Il est là, il est au calme. Ah ouais, pour toi. Vous êtes pas sérieux, les mecs. Bon, non mais Fred, faut être patient, faut. D'accord, faut être patient. Faut déjà chaque les chose en son se temps. Faut tranquillement. Là déjà il y a beaucoup c'est à manger. Et puis c'est vrai que cette arrivent. Semaine on a eu une belle semaine. Hein. Bon, je tiens à rappeler deux trois choses. Il y a eu évidemment ça a débuté avec Ma Jolie, ouais. Docteur Belize qui nous a balancé un titre inédit. Adios, ce le morceau Adios avec Abou de Bang et Black M aussi. Mm-hmm. Le morceau qui arrivait là ce soir il y a quelques minutes qui fait exploser les réseaux sociaux en ce moment. Voilà, tranquille. C'est vrai. C'est juste trop gourmand. Salut Robs de Bordeaux, ça va bien? Ouais, et toi Fredo? Eh ben écoute, en pleine forme, tout se passe bien à Bordeaux? Si, le soleil est là, franchement, les meufs en bikini aussi, c'est bon. C'est le moment de sortir. Tu sais que nous, on n'en demande pas plus ici. Ouais, mais bon. Attends, Bordeaux en plus, c'est bien, c'est toujours très sympa à Bordeaux. Parfait, je te présente un peu l'équipe du Watibé. Il y a Girochrome, Doumam, il y a Boutal qui est là, Drai qui est là aussi avec nous. Ouais, salam alaikum les gars. Salam, Robs, est-ce que tu es prêt à nous lâcher un petit freestyle? Écoute-moi toujours, Kouya. C'est parti, mon pote. Allez, vas-y. On m'a dit ne sois pas trop rapide avec ces mecs-là. Produit par la fête, produit pour les tests. Ça fait longtemps que je suis là. Pas les couilles, j'ai pas de complexe. Je pose ma bite sur la table. Poto, j'ai tiré ton ex. Elle avait trop la dalle. Quand je débute, la feuille, elle est blanche. Rouler un pétard et je déclenche. Une taf par une phase. Une phase par une taf. Je te fais bouger la tête. Pour mieux taper tes hanches. Ce soir, on fait la fête. Nique ta mère, demain, c'est dimanche. Fais péter le bord de rosé. Pas le temps, je suis sur l'album, mec je suis posé, fais le tour de ma ville en 106, tout dépouillé, instru à fond, merde, je crois que je suis Gruyère. Ne me gratte pas de stick, miss. T'as les joues creusées par la conf. Tu joues l'intouchable ici. Tu t'es fait fourrer par la France. Regrettable est ton passé. Je te tire avec méfiance. T'as l'homme du quartier. Ne lui fais surtout pas confiance. J'assassine derrière le mic. Je ne tire jamais à blanc. Je me balade toute la night pour mon inspiration. J'dégaine, j'débite, ouais, fais très attention. Mon son c'est d'or, ah, pas de la contrefaçon. On m'a dit ne sois pas trop rapide avec ces mecs là. Produit par la hache, produit pour les tests, ça fait longtemps que je suis là. Par les couilles, j'ai pas de complexe, je pose ma bite sur la table. Pourtant j'ai tiré ton ex, elle avait trop la dalle. R.O.P.S. solo, tonton ça fait mal. Trop loin, je vois pas, Brivant, Bordeaux c'est mon bail. Ne me demande pas la lune, je suis dessus. Cousin, quand je fais la une, ah, tu seras déçu. Représente ma ville comme il se doit, 33 départements. Ne mange pas de porc, revendique mon appartenance. Pour certains, je suis trop vicieux. Le talent ne s'achète pas. Ne cligne jamais des yeux, ou tu ne me rangeras pas. Yo, je passe mes week à la Red Bull. Jack Miel, vodka Red Bull. Le lundi, je suis foncé. Je ne m'en rappelle même plus. Les freestyles dans la vago. Coup de boulette sur le paletot. Et une Y dans le bédo 1. Tel les vrais savent. Calibre d'amaille, c'est le projet. On ira jusqu'au bout. 2015, c'est mon année. T'es dans la merde jusqu'au cou. N'essaye pas de m'arrêter. Cousin, t'as le bras trop court. 20 personnes pour avancer. Gros, je marche pas, je cours. On m'a dit ne sois pas trop rapide avec ces mecs là. Produit par la hache, produit pour les tests. Ça fait longtemps que je suis là. Bah les couilles, j'ai pas de complexe. Je pose ma bite sur la table. Donc j'ai tiré ton ex. Elle avait trop la dalle. Yo. Robs à l'instant de Bordeaux freestyle. Relou. Merci à toi, Robs. Ouais, ouais, frère, je peux faire une petite dédicace. Vas-y, vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Ouais, petite dédicace au frérot de Sevran, Dingo, t'as vu, marque de streetwear qui est partenaire du collègue ROBS, moi-même. Tu vois, producteur Nice de la Night, Soul Saphir, le beatmaker, PMR Studio, à ceux qui participent au projet, qui, voilà, qui vont y participer, Inch'Allah. Et voilà, bon ramadan à tous les musulmans. Eh oui, bon ramadan à tout le monde. Voilà, dédicace à moi-même surtout, frère, hein, tu vois, voilà. On n'est jamais mieux servi que soi-même. Au moins, c'est sûr. Merci à toi, Robs. Big up à toi, frérot. Bien vu, gros. Il est où, Robs? Ah bah, il est déjà parti. Il était pressé. Merci à toi, Robs. En tout cas, on freestyle par téléphone. On est ce soir avec Dry, avec Giro, Chrome, avec Doumams, avec Aboutal. Et yes, quelque part avec Dr Bellis, puisqu'on va écouter son morceau maintenant. À force. Ça, c'est à force. Il nous a dit que son projet s'appellerait... 1974. Et on écoute l'extrait maintenant, le morceau à force sur Skyrock. À force de dire qu'on n'a rien, on a tendance à se retrouver dans la pente. Mais on s'accroche car l'époque devient rude, on est tombé bien mal. La réussite me paraît loin d'ici, et pour l'atteindre j'ai déjà des crampes. Mais qui vivra, verra mon épopée. Mais pour l'instant tout roule, oh, personne n'est blessé. J'ai fait danser les foules sans jamais agresser. Marre de te voir endetter, il est temps que je te soulève. Je vais devoir m'endetter. Je suis le calme qui annonce la tempête. Je ne suis pas seul sur ce chemin esquinté. J'ai les deux pieds cloués au sol, mais je toucherai le sommet. Je n'ai pas classique comme raison de vivre. J'ai d'autres cibles. J'espère ta jambe va mieux ou quoi. Même si je m'épuise, même et quand le public chante. Accident. Je retrouve la force d'avancer et je me défonce. À force de dire qu'on n'a rien, on a tendance à se retrouver dans la pente. Mais on s'accroche car l'époque devient rude, on est tombé bien bas. La réussite me paraît loin d'ici, et pour l'atteindre j'ai déjà des crampes. Mais qui vivra, verra mon épopée. Mais pour l'instant tout roule, oh, personne n'est blessé. J'ai fait danser les foules sans jamais agresser. Marre de te voir endetter, il est temps que je te soulage. Moi, je vais devoir m'endetter. Et plus personne ne pourra me rabaisser. La peine, je rejette ton odeur. Le désir. bizarre, ouais, je vais plus le toucher. Je ne veux plus le voir, ni même m'en soucier. Je veux que tous mes sens soient comblés, plus sombrés. Que ma famille reste en paix. Et quand le public chante, je retrouve la force d'avancer. Et je me défonce. À force de dire qu'on n'a rien, on a tendance à se retrouver dans la pente. Mais on s'accroche car l'époque devient rude, on est tombé bien bas. La réussite me paraît loin d'ici. Et pour l'atteindre, j'ai déjà des crampes. Mais qui vivra, verra mon épopée. Mais pour l'instant, tout roule. Oh, personne n'est blessé. J'ai fait danser les foules sans jamais agresser. Ma de te voir endetté, il est temps que je te soulage. Moi, je vais devoir m'endetter. Le temps est passé, je sais qu'il est temps de démarrer. C'est pas le premier essai, ni le dernier, mais je suis paré. À force d'entendre vos paroles, maintenant j'encaisse tous les coups, je suis devenu un. Mais pour l'instant tout roule. Oh, personne n'est blessé. J'ai fait danser les foules sans jamais agresser. Ma de te voir endetté, il est temps que je te soulage. Moi, je vais devoir m'endetter. C'est Skyrock et c'est Planet Rap spécial Watibé. Donc ce morceau de Dr Belize qu'on écoutait à l'instant. Grosse dédicace à lui, le son il est trop lourd. Gros titre avec un projet pareil donc qui s'appelle 1974 et qui arrivera prochainement. Autre gros projet, c'est la Vendetta. Ou Vendetta d'ailleurs tout court, pas la Vendetta mais Vendetta c'est tout court. Vendetta. Girochrome Doomams qui vous présente Vendetta. Et le premier extra officiel était balancé là il y a quelques minutes. Voilà. Il arrivera aussi à partir de 21h sur la chaîne Vevo de Vendetta. Exactement. Donc vous clip pourrez l'écouter. Va suivre dans quelques jours. C'est vrai, le clip aussi pareil. Le clip, il arrive. On a fait j'insiste, je tiens à souligner qu'on a fait un très gros clip. Franchement, c'est un truc de ouf. Il y a mes potes là qui sont là derrière, il y en a qui étaient là, peuvent témoigner. Le clip, c'est vraiment un délire. Bon, c'est vraiment un délire. Et puis, on a sorti un freestyle qui s'appelle Cercueil de Nains. Donc, vous pouvez retrouver le son sur le wati-b.com. Voilà, donc, allez faire un tour dessus, wati-b.com. Téléchargement gratuit, au calme. Est-ce qu'on passerait pas maintenant au live d'ailleurs, ce morceau? Est-ce que vous êtes capable de nous le refaire maintenant en live? Bien sûr. Doumams, au calme. Vous êtes chaud ou pas? On peut le faire. Choqué. Allez. Toute la soirée, gros. C'est bah, et ben bah, quand vous. Deux fois, trois fois, quatre fois, quatre allez-y. Fois, cinq fois. C'est parti. C'est parti en live. Aïe. Exclu. T'en es On a les gros métal et ouf. Vendetta. Vendetta. Vendetta. Aïe. Premier bon mode, ça va, mes détails. T'auras de tout, même des fleurs de carré. On a troqué la plume pour des coups de canif. Puis du pain de plastique sous le siège du calife. Premier bon mode, ça va, mes détails. T'auras de tout, même des fleurs de carré. On a troqué la plume pour des coups de canif. Puis du pain de plastique sous le siège du calife. On a les gros métal et ouf. Va falloir ramasser les douilles. Dites au juge pour pas les couilles. Métal et ouf. Comment allez-vous? On a les gros métal et ouf. Va falloir ramasser les douilles. Dites au juge, m'en bats les couilles. Vendetta! J'ai pu ligoter le shérif. Péter la diligence. Ne t'en fais pas pour toi, ma chérie, si tu fais preuve. Fous-moi tout ça dans la sacoche. Dans le silence le plus total. La dernière vision que t'auras sera sûrement levée de la vendetta. C'est tout scary pour tout Kenny. Tant qu'il y aura des boys dans mon pays. Tant que je verrai des mifs sous ton périphérique. Tant que je pourrai TH tout sans crédit. Je n'ai pas fini. Reste un sticky, sticky, sticky. Trop longtemps rester tout. Faut que tous ces fils de péri. Je sais pas qui c'est qui va commencer. Mais gros appel les ambulanciers. Dis-leur qu'on va devoir vous laisser des corps avant d'avoir le tenancier. Là je crois que je suis lancé. Me vois-tu renoncer. Même avec la jambe à tronquer, sur ton recours, je vais danser. Vous m'avez pris pour un bâtardé, la punition ne va pas tarder. La vendetta sera placardée de la gare du Nord. Vu tout le seum que je dégage, je crois qu'il est temps de toucher là. Faut que la vendetta fasse plus de vent que la de chat mental est fou. On a les gros métal et ouf. Va falloir ramasser les boules. Mais dites au jugement pas les couilles. Métal et ouf. Comment allez-vous? On a les gros métal et ouf. Va falloir ramasser les boules. Oh. Jugement pas les couilles, pas les couilles. Mais t'as les ouf. Dans le parc sans mal de temps de Louis. Par tout ce que ça l'air haram. Quitter la spot avec un Bowie. C'est qui vient au gros. C'est ça. Je cherchais petit peu chez la nourrice. Avec un garde glace. Pour le jour où je pense à faire du yébi. Pour ça faut faire du ça. J'écris des phrases de barge chaque soir. À l'heure où ton équipe me fait gonfler. Il faudrait le voir pour y croire. Viens pas voir ta main, j'ai les yeux gonflés. Bienvenue dans le chat. Quête, c'est les grands hommes. Mais back fantôme. Vais sur le parc, j'enclame dans les guns. Park fight à la Capcom. Juste un deux ou trois, t'allais faire des cages, pas des déterres. Faut les mettre à quatre pattes, machine de guerre. Qu'on a voulu faire taire, j'ai dit vendetta. Qui a la gangsta violent, sale. Pas que le destin, bonhomme, certes. Renfaler quelqu'un, lever des corps et des corps. Comme dans la ville, on met des gants sur scène. On saigne. Fais les délinquants vulgaires, hôtel. Usé ma tienne pour qu'ils comprennent qu'on a pas les mêmes choses à faire. On se crède, yes, weekend. Venez dans les balcons, tester le fer. Venez dans les balcons, prendre du terre. Dans nos rues, ça se tient. C'est les machines gain. On kiffe ta paix, les fils, c'est la fille qui perd. Sauf qui peut quand t'as. Black, ça fait la diff croix sur le négatif deck, c'est la massive. Premier pas mal, ça va mettre des tarifs. T'auras de tout même des fleurs de gari. On a trop la pluie pour des coups de canif. Puis du pain de plastique sur le ciel du gari. Premier pas mal, ça va mettre des tarifs. T'auras de tout même des fleurs de gari. On a trop la pluie pour des coups de canif. Puis du pain de plastique. Et comment allez-vous? Oui! On a les gros métalliers. Va falloir ramasser les couilles. Vrai. Dis tout juste pour pas les couilles. Métalliers. Moms de Beauvais. Est-ce qu'il y a du monde dans le futur? Mais oublié. Spécial pour mon poids. Aïe, aïe, aïe. Spécial pour le poids, spécial pour ce heure. Ok, ok, ok. Sport en verse. Mais attends, c'est pas fini là, gros. 5009. Là, on va kicker un petit. Un petit freestyle là qu'on a lancé il y a pas longtemps. C'est. Il y en a qu'on kiffait. C'était du sale. Donc là, on va se la rejouer en live là. Yeah. Oh. Yeah. On en parle après. Ok. Yeah, yeah. On casse la tête sur le bitume et les bagages. On en parle après. Rap façon jazz en gros, mais c'est le carré faux perroquet. On presse les os pour le kiff, on les jette à la scène. Fonce comme un bison sur la foule au pied de Tour Eiffel. Gratte comme le bois, m'attaque que ça un peu comme un filu. C'est que tu l'attends, le Coran, il pose comme tout foire. C'est ça qu'on fait, les tiens, on file, on passe les coups de fil. Les coups de fil, les fusées, ça nous a sa mala. Morphine. On la ville sous les bombes de 40. En auto, des boules en trompe. File de gauche, Dominique, Toretto. Que les mecs qui tiennent le caniveau, t'as le jacquin comme des animaux. Collège, qu'on puisse que péter. Johnny Pionda sont toujours au taquet. Que tu recules pas de plaquet. Zigzag entre la zig et le jean et cargaison. Sur deux belles filles à PCZ. Je fais péter la côte est. What's up? Dans ta gueule avec les compliments du chef. T'auras beau faire 2 mètres de long. Les gens entre dedans. Sur ton recôté, je les gants. On va te faire rentrer dans les rangs. S'il te plaît, remballe avec ton équipe de nains. Je te fais un cercueil de nains. Je te fais un cercueil de nains. Je te fais un cercueil de nains. Je te fais un cercueil de nains. Même si tu fais 2 mètres, on te rentre dedans. Les mecs veulent me niquer parce que je suis sorti. La RSA. Les keufs veulent me péter parce que je roule en Mercedes. Qui te pue les portes ou sa veste qui. Là-bas comme Vespa. J'arrive en sous-marin quand toi t'arrives avec un Cessna. Pousse-toi, laisse-nous passer. Ah, tous on veut se hisser haut. Sommet pas de récépis, c'est fort. Je sais, je pisse où. Je m'immisce dans ton vaussaire en passant par les tympans. Que du gain t'en vire dans tes visères. C'est le gain t'en du criss-cross, les guises. Fut comme Bidjiz. Fut fort sur les renards, skin crête visible. Les flics blagues, surtout ceux d'Afrique noire. Qui font le plus de zèle et peuvent te soulever pour un mouchoir. Je suis dans le couchoir du bus. Toi, cauchemar, dis bis. Moi, grosse frappe en tant que tapante les couloirs. Si je te dis nique ta, c'est que depuis tout à l'heure, tu me parles de petit salaire, une paye de Pakistanais. Toi, t'as l'air d'un type pas net. Le genre d'oiseau que j'abats à l'aide d'une arbalète. disparaître. Tes rêves pour un transpalette, prêt à décaler. Pour un deblé où y'a même pas d'air. Plus de salaire, vu que ça l'air. Reste plus que ton corps de mégot, fin de la l'air. Arrête, tu viens du ghetto. Arrête, tu te fais que béton. Y'a les fours et les réchauds, vite galère. 2 mètres de long, coupe les jambes, entre deux temps. Sur ton recôté, je les gomme. On va te rentrer dans les rangs, s'il te plaît. Remballe avec ton équipe de nains. Je vais te faire un cercueil de nains. Faire un cercueil de nains. Faire un cercueil de nains. Je vais te faire un cercueil de nains. Même si tu fais 2 mètres, 32 temps. Sur ton recôté, je les gomme. C'est parti de ces gens qui rêvent d'une société égalitaire. Mais peu importe mes diplômes sales, nec, c'est ce qu'ils me qualifient. L'utilisation est le moteur de leur débat. Mes sœurs, ce n'est encore entre vous bled qui vous pousseront à mettre les voiles. Une oligarchie. Mais quand il s'agit de rendre des comptes, pouf, David Copperfield. Oh merci, c'est l'heure des impôts. Sois pas possessif, tu tombes de haut, repars à zéro. Oh c'est tout, la rue nous a bousillé. Grandi dans un bourbier, t'oublies l'amour car désormais c'est tout pour le billet. Pour être heureux, faut-il vraiment que je chie du flouze? Car je ne pense pas que Jamel a une vie de bouse. Je ne joue pas des sons savants à attendre que je réussisse mes parents s'impatient. Je ne veux pas des jeunes et des plus simples avant. Je ne voudrais pas que mon fils soit un bras ballant. Les temps nous tombent dessus comme une avalanche. J'écoute madame la chance mais elle me parle allemand. Yeah. Aboutal, aboutal, aboutal. Yeah. Vendetta. Je ne pense pas être un être ignoble. Quand on me demande de l'aide, je n'ai jamais fait virevolte. J'aimais la vie et je pensais que c'était réciproque. Puis je compris que ma mère ne m'a pas appelé Christophe. Effectivement, je n'ai pas vu jour dans le Périgord. Et j'ai connu ce goût amer que le mépris t'offre. Le rap game, une concurrence. Évidemment, pas besoin de préciser qui est le boss. Je ne me fais pas de fausses idées. Je sais que je ne ferai probablement jamais ce foutu disque de platine. Je n'ai mauvaise tout ce que l'on fait pour de l'oseille et voir le soleil d'Amérique latine. 7-5-0-0-9-6 dans le tum-tum. Ris parmi tes amis, oh oui, mais tu pleures seul. Si t'avais leur gueule, t'aurais sûrement eu ce job. Et je vis dans ma bubble, solitaire comme un autiste. Vive à la purple, c'est ce que les jeunes disent. De vos serres amoindries, pleurant d'être incompris. Telle une balle de ping. Pong, va et viens, on prie. Non, mon fils, le centre du monde n'est pas ton nombril. Non, je n'ai pas vendu mon âme, mon mal a pas pris. Je ne fais que cracher l'art que Panama a appris. Quand nos darons fatiguent, garder des gosses, les amis, bémis disent que la vie les chagrine. Quoi, tu vraiment que c'est un caprice? Merde, faut-il vraiment qu'on nique des mères? Qu'on se laisse faire, se contenter du strict nécessaire? T'as dit que t'étais fier lorsque la juge t'a dit que t'étais fait. T'as dit que tu préférais 10 enfers, mon chrysanthème. Oula, oula, je vois Lucifer sur les billets verts. Ce n'est pas mes ennemis, plutôt mes frères qui me crucifièrent. Je suis tellement fier de Watt, la plus belle des choses t'arrive. Tu vas donner la vie, mais t'ignores qui est le père. Sur ton recôté, je les gomme. On va te faire rentrer dans les rangs, s'il te plaît. Remballe avec ton équipe de nains. Je vais te faire un cercueil de nains. Faire un cercueil de nains. Je vais te faire un cercueil de nains. Faire un cercueil de nains. Même si tu fais 2 mètres ou 32 temps. Sur ton recôté, je les gomme. Ok. Yeah. Vendetta. Aboutal. T'es allé où? DRY. DRY. Aruna, le look. C'était la session live à l'instant. Bravo pour ce live. On a eu le droit à parler ouf. Le cercueil de nains aussi, freestyle. Le cercueil de nains en exclu pour Skyrock. Voilà. Parce que franchement, on a eu. Sur ce freestyle, on a eu grave des bons retours, tout ça. C'est pour ça que, voilà, on a décidé de mettre le lien en téléchargement. On avait envie de le faire en live. Et dans quelques minutes, donc, le morceau Tarléouf, il est dispo sur la chaîne Vevo, là, d'ici quelques minutes à 21h précise. Vous pourrez le retrouver, l'écouter, le réécouter, le réécouter, le tweeter, le retweeter, le facebooker, faire ce que vous voulez. N'ai pas oublié le hashtag Tarléouf, poto. Et le hashtag aussi. Avec un jeu concours bientôt, concours. Hein, c'est ça. Plein de bails à gagner. En fait, faut tweeter le hashtag. Tweeter. On va sélectionner un certain nombre de personnes. Et bon, vas-y, les gagnants du concours, voilà. Vont, une journée Vendetta. Une journée Gangs. Il est refait de la tête aux pieds à la fin. Il vient tout nu, repart habillé de la tête aux pieds. Aïe. Avant qu'on parte, je peux faire un petit sum-up de tout ce qui a été dit cette vas-y, semaine. Je te laisse faire. Tu fais le résumé de la semaine. Bravo, Vital. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pu découvrir? On a pu découvrir, en premier, on a découvert Majoli. Le dernier titre de The Shin Sekai qui est disponible sur et YouTube. Et le clip est arrivé. Le clip aussi est arrivé. Il est disponible sur YouTube et sur iTunes. On a eu aussi la chance de découvrir un gros morceau qu'on a réécouté tout à l'heure dans l'émission. C'était le morceau de Dr. Bellis qui s'appelle A Force. Le clip est aussi disponible et il est aussi disponible sur iTunes. On a eu la chance de découvrir aussi un très très très gros titre de Megasure, de la Vendetta. T'as allé ouf. Et d'ailleurs, t'as allé ouf. Coupé la parole, ouais. Fait, il est disponible sur iTunes. Aussi. On compte sur vous. Aussi, aussi. Allez, voilà. Aussi. Dès maintenant, allez-y. Et qu'est-ce qu'on a découvert aussi? On a découvert quoi d'autre? On a remis Abou de Beng et Abou de Beng. Adios. Adios. Adios. Un très gros clip qui très a été tourné à Tahiti. Donc je vous invite à aller le voir et à aller le récupérer sur iTunes aussi. Et ben merci à vous tous pour cette belle semaine. Merci Dry d'être passé. Merci à toi. Merci à Boutal d'être passé. Merci tu à toi. Joue évidemment. Il y a pas de souci. Merci à Vendetta et donc à Girochrome et à Doumams. Ah, merci à toi. Frère. Merci à Krim qui était là toute la semaine, qui a tout entendu. DJ Krim. Qui était à la au top. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette rapidement, c'est parti. Skyrock t'offre le nouvel album de Nekfeu, celui de Big Flo et Oli. Plus 100 chèques cadeaux de 50 euros. Skyrock. Nicolas Denis, ça va bien Nico? Salut. Eh ben écoute, bienvenue dans ce Planète Rap pour ce vendredi soir. Tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? Oui, je suis prêt à passer. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui s'arrête pour toi, Nico, sur la case, c'est... chèque cadeau, bien plus sûr. Waouh, quel régal. Dry avait raison, 50 euros en chèque cadeau qui arrive à la maison pour toi. Du côté de Nice, avec aussi les albums de Nekfeu et de Big Flo, Oli, qu'on t'envoie. Ah, c'est super, merci, merci. À bientôt, Nico, passe un bon week-end. Est-ce que je peux faire juste une dédicace avant? Vas-y, on t'écoute. Voilà, ben, je voudrais faire une dédicace à mon collègue de la miroiterie, Romain Zona, qui va bientôt partir. Et une grosse dédicace à ma chérie et à mes collègues de compte. Merci à toi, passe une bonne soirée. Merci à vous tous pour cette soirée. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Dédicace à tous les gars qui sont venus. Mams de Beauvais. Mams de Beauvais. Kiki. Yaya. Bola B. Salem. Djou. Baba. Liban. Soma. Dansa. Voilà. Une grosse dédicace. La famille Gal. Gros yeux dans la place. Gros yeux et la gros yeux qui est venu et qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Big Eyes est là aussi parmi nous. Une grosse dédicace aussi à mon gars sûr Dawala qui n'a pas pu venir cette semaine. Mais bon. On connaît, voilà, je vous invite à le suivre sur ses réseaux sociaux, son Facebook Dawala officiel, son Twitter Dawala official, son Instagram Dawala officiel. Gros big up à lui. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée. On va retrouver D-Fool et toute l'équipe. C'est parti. Et ben on en a profité. Moi j'en ai profité dans la voiture jusqu'au bout. Planète Rap, le retour. Tranquille. Dans 3 heures entre Fredo et la Nocturne. Bonjour Marie. Coucou. Bon, j'arrive, je monte. Oui, je monte tout de suite. Comment t'as dit? Je dis tu pilotes. Tu pilotes, elle a dit. Oui, exactement, oui, c'est le pilote. Bon, ben, tout de suite, tout le monde pouvez nous appeler hein, maintenant. 01 53 40 30 20, on est en direct. Donc, on monte. Marie est déjà là pour vous répondre. Samy aussi, j'ai entendu. Momo est là, tranquille. Très bien. Eh ben, écoutez, le reste de l'équipe arrive tout de suite. On monte. On vous attend. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous, allez-y, profitez. Radio Libre, c'est parti. Et on va démarrer avec Jules, via du Champ de Marseille, pour démarrer cette soirée. Je tourne en rond. Et je tourne et je tourne en rond. Dans le quartier. Du fou là. Monte vite. Bon, eh ben je monte vite. Allez, c'est parti. Radio Libre jusqu'à minuit. Allez, à tout de suite. Yes. Cette semaine dans le Morning de Diffou.